L'actualité à Nancy, Nancy et ailleurs. Le salon d'automne de Dombasle-sur-Meurthe revient pour une 34e édition ce dimanche 9 octobre. Pour nous parler de ce rendez-vous, nous avons au téléphone Karine Chevassu. Bonjour. Bonjour Yves. Vous êtes adjointe à la vie culturelle, fête et animation et à la jeunesse. Que représente ce rendez-vous pour la ville de Dombasle? C'est un grand rendez-vous annuel. On est en fin de saison des brocantes, donc elle est souvent très attendue et très fréquentée par les habituels chineurs. Des dizaines de milliers de visiteurs en général pour ce rendez-vous? Oui. De réputation, elle est connue et vraiment, il y a beaucoup de monde sur cette brocante qui viennent de loin. En visiteurs, après en exposant, on est quand même plus sur des gens autour de Dombasle, du secteur. Mais les visiteurs, il y en a qui viennent de loin, ça je sais. Et combien d'exposants attendez-vous cette année alors? Alors, on en a près de 400 là, cette année. Près de 400. Ça va se dérouler comment cette brocante? Ça se passe à quel endroit de la commune? Alors, on est sur l'axe principal, rue Leclerc, rue Péry, et puis les rues un petit peu plus loin, donc la mairie est à peu près centrale, donc on descend quasiment jusqu'au port, pour ceux qui connaissent, et puis de l'autre côté, jusqu'à la salle polyvalente. Ça fait un grand espace, on est sur plus d'un kilomètre de long, et puis avec des rues adjacentes aussi, rue Carnot, rue Tivoli, voilà, la rue Carnot c'est une grande rue aussi. Pour rendre ça possible, j'imagine qu'il y a besoin de beaucoup de bonne volonté, voire des bénévoles qui viennent participer, comment ça se passe? Bien sûr, on a une équipe d'une trentaine de bénévoles qui sont fidèles. Et avec les dernières élections, l'équipe s'est un petit peu renouvelée. Donc, on a une partie d'anciens et une partie de nouveaux bénévoles qui sont tout prêts, là, très motivés à organiser cette belle manifestation. Et à se lever très tôt dimanche, ça commence à quelle heure? Ah oui, nous, on va se lever plutôt vers 3-4 heures. Après, on accueille les exposants à partir de 5h30. Et donc la brocante, c'est de 7h à 18h, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, tout à fait. Peut-être un dernier argument pour les auditeurs, pour leur dire de se rendre à Dombasle ce dimanche 9 octobre pour assister à cette 34e édition du Salon d'automne? Oui, et on a notre animateur fidèle à Dombasle, Night People, Patrice Kugler, qui va être au micro toute la journée, qui fera des annonces pour les commerces par exemple, pour donner de l'animation à cette ville, et puis avec une musique de fond, évidemment. Et beaucoup de bonne humeur. Et voilà, c'est d'ailleurs un animateur très souriant, très agréable, qui sait mettre de l'ambiance dans une manifestation. Merci beaucoup Karine Chevassu, à dimanche. Merci beaucoup Yves, bonne journée. L'actualité annoncée ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.